calling me on RIG. RIG. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marquez! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Apprends-moi la main, mon petit Pékin. Oh, oui, viens avec moi. Attends, nos traits ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission et à bord donc de RIG. Installez-vous bien, nous allons passer 2 heures ensemble, de 22h jusqu'à minuit, et avec un album de la semaine qui date de 1976. Je parle de l'album Derrière l'amour, qui est sorti donc le 23 juin 1976. Qu'est-ce qu'on va retrouver entre-temps? Pas mal de choses quand même, hein. On va retrouver un duo, Johnny Hallyday et Mireille Mathieu au cours de cette émission-là. Ouais, c'était lors d'un hommage à Edith Piaf en 1988. On va retrouver aussi les versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Parmi ceux-là, on va retrouver en version originale Tom of Jens avec la chanson Tender Memory, autrement dit Merci, de l'album de la semaine, et aussi le titre de Kris Kristofferson et Rita Coleridge, Loving Arms, qui est une création aussi du chanteur Tom Jones, qu'on écoutera tout à l'heure en cours de cette émission. Mais sinon, revenons à l'album de la semaine qui est Derrière l'amour. Romance rock'n'roll, nous abordons donc l'année 1976, une année qui raconte l'histoire d'un album pas comme les autres. Un album qui paraît alors que se profile à l'horizon la vague disco. Un album coincé entre deux autres 33 tours que tout oppose. Le premier, La Terre Promise, a le pied dans la glaise des grands espaces américains du Tennessee. Le deuxième est à huis clos. Il se passe entre les tours du château d'Elsener et s'appelle Hamlet. Et le héros y vit une passion de feu et de fer. Cet album atypique, pris au piège entre ces deux 33 tours, aussi antagonistes que possible, s'appelle Derrière l'amour. Ils rompent partie avec tout ce qu'on savait de Johnny Hallyday, hein, le rocker, le roller, le fan d'Elvis, l'amateur de blues converti au country, l'habitué des accords style Nashville et du son à l'anglaise tel qu'il aime l'entendre du côté de l'Olympic, fameux studio de Londres. Ici, rien de tel, nous sommes dans le homemade recording, chanson maison mise en place en région parisienne. Aux commandes, des auteurs qui font la modernité de la chanson française de l'époque, à commencer par le compositeur Jacques Revaux. Revaux, Johnny a travaillé avec lui dès le milieu des années 60. On lui doit La fille à qui je pense, Mon fils, qui ont été des succès à l'époque. Mais c'est son fameux comme d'habitude et sa collaboration avec Michel Sardou qui l'ont rendu incontournable pour qui veut enregistrer un album à Paris. Les sessions d'enregistrement ont débuté en novembre 1975 et se sont terminées fin mai 1976 au studio 92 à Boulogne-Billancourt. Mais nous allons tout de suite écouter le premier titre de l'album de la semaine, de Derrière l'amour. Ce sera le titre qui ouvre cet album-là, Le jour J et l'heure H. Ce titre avait eu l'insigne honneur d'une transposition scénique. Johnny avait imaginé ce morceau comme chanson d'ouverture du spectacle pour le Palais des Sports de 1976. L'idée de dérouler une story de la carrière de l'artiste lui a substitué Daddy Run Run dans la dernière ligne droite. On l'écoute tout de suite. Jour J, heure H, évidemment. J-H, Johnny Hallyday. Bonne soirée. Bonne soirée sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. être à présent. C'est mon jour, c'est mon tour, c'est à moi, cette fois, et j'y crois. Oh, c'est le jour, qui, et c'est l'heure, H, toute ma vie se met en marche. Oh, oui, c'est le jour, qui, et c'est l'heure. C'est l'heure, toute ma vie se met en marche. Oh oui, c'est le jour, si, et c'est l'heure, et je vivrai pour qu'on le sache. Oh mon jour, si, et mon heure. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Dude! Salut, c'est Johnny. Johnny en live. L'album Je t'aime, je t'aime, je t'aime fête ses 45 ans aujourd'hui, mercredi 29 mai. Il est sorti aussi un mercredi 29 mai, 45 ans plus tôt, en 1974. Ouais, ouais. Et là, on écoute le titre, un des titres phares de cet album-là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime en live. C'était Johnny Hallyday le 22 juin 1974. Il avait son top à Johnny chez les Carpentiers. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et j'en crève. Je t'aime, je t'aime, d'amour et de haine. Oh, je t'aime. tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 60. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu mille ans et plus. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que dans la vie t'as tout appris. Mais que sais-tu d'un enfant tout seul quand vient Noël? Oui, que sais-tu de ce chien dont le maître est au ciel? Et que fais-tu d'un ami que l'amour a brisé? Oh oui, que sais-tu des amis qui ne pourront jamais, jamais l'aider? Si tu savais ce que je sais. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as tout vu, que t'as tout lu. Ouh, jeune homme, tu parles comme un homme, à voir tes poings fermés, t'es sans pitié. Mais que sais-tu de celui qui n'a plus de pays? Oui, que sais-tu d'un bateau qui sombre dans la nuit? Et que fais-tu d'un vieillard qui a peur de l'hiver? Oh oui, que sais-tu des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre? Si tu savais ce que je sais. Jeune homme, quand tu seras un homme, alors il te faudra te souvenir. Oh, jeune homme, que respecter les hommes, d'être digne de vivre et de mourir. Jeune homme, extrait de l'album Jeune homme, hein, qui date de 1968. Revenons à l'album de la semaine, qui est Derrière l'amour et qui est sorti un mercredi aussi, le mercredi 23 juin 1976. Le prochain titre que je vous propose est le titre Merci, un titre arrangé avec brio par Benoît Goffman. Et ce titre d'inspiration très country a été composé par le même auteur Tom Jones que l'excellent J'ai pleuré sur ma guitare, paru 2 ans plus tôt sur l'album, donc qui fête son anniversaire aujourd'hui aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On écoutera la version de Tom Jones dans 2-3 chansons. On va écouter sa version de Tender Memories, Merci. On écoute évidemment la version de Johnny Hallyday, sublime version, sublime chanson. N'espère pas de moi.

Le titre d'ouverture de l'album À la vie et à la mort de 2002, c'était Entre nous, vous l'avez bien compris. Voici à présent les versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Et je vous propose d'écouter un titre donc de Tom Jones. Tom Jones, c'est un compositeur qui a déjà porté chance à Johnny avec le titre J'ai pleuré sur ma guitare en 1974. Tender Memories, tendre souvenir, figure sur un simple de Tom Jones, paru en 1975. La teneur des paroles françaises rappelle un peu celle de Thank You Darling par Ricky Nelson. Et sur la, on retrouve cette chanson, Tender Memories, il n'y a pas longtemps, vous l'avez écouté, il y a deux chansons, c'était la chanson Merci qui est sur l'album Derrière l'amour. On écoute tout de suite la version de Tom Jones, Tender Memories sur RIG. In her hair, it took me back to you and me. I was wishing you were there. It was good to feel again the way I used to feel. Oh, you're coming back to me in a tender memory. You're still soft as a sigh inside of me, and you're still sweet the way you used to love me. Never thought you'd be just a tender memory. I still dream you're holding me. Oh, I need you so. I can't let go. And when my dreaming ends and I wake alone, the only way you're holding me is in a tender memory. You're still soft as a sun inside of me, and you're still sweet the way you used to love me. I never thought you'd be just a tender memory. Just a tender memory. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. I don't know.

babalabengum. Johnny et les années 60. Je suis arrivé près du vieux pont de bois où je devais la retrouver comme tant d'autres fois. Posé sur l'herbe mouillée, je n'ai trouvé qu'un billet qui disait adieu mon amour, je ne suis pas digne de toi. Je ne peux plus vivre de mensonges et de chagrin et te jurer que ce garçon n'était rien qu'un copain. Maudite rivière, tu m'as pris l'amour que j'avais. Maudite rivière, que tes eaux profondes soient maudites à jamais. Quand j'ai vu son visage dans cette maudite rivière, il y avait sur ses lèvres encore une prière. J'ai cru voir des larmes dans ses yeux de poupée, et la rivière a murmuré, tu n'aimeras plus jamais. Maudite rivière, tu m'as pris l'amour que j'avais. Maudite rivière, que tes eaux profondes soient maudites à jamais. Oh. Maudite rivière, extrait du 45 tours, du moins du super 45 tours, 4 titres, Johnny lui dit adieu. C'était en 1965. À présent, je vous proposais un petit duo qui s'est déroulé à la télévision le 30 janvier 1988. Yves Mourouzi propose une émission spéciale Piaf pour toujours sur TF1 à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de l'irremplaçable chanteuse à la petite robe noire. Et en duo avec Mireille Mathieu et à deux reprises, l'animateur trouvant la première version pas assez à l'ADN. Johnny interprète À quoi sert l'amour en duo avec Mireille Mathieu. On va écouter justement ces deux versions. La version où Johnny en gros parle et après la seconde version où Johnny va beaucoup plus chanter et swinger. Ça me rappelle qu'il y a de cela bien longtemps quand pour la première fois j'avais emmené Mireille Mathieu sur la scène du Bolchoï. L'Union soviétique, il avait fallu la tirer dans les coulisses parce que la salle ne la laissait plus partir. Tu te souviens? Oui, j'ai un gros nounours dans les bras. Je vais t'en donner un autre nounours. Parce que j'ai une idée comme ça. Je sais pas si Claudric peut. Attends, je vais prendre ce. Parce que là, problème de distance. Voilà. Il y avait. Moi, il m'est toujours resté dans la tête. Oui. Très très belle chanson de Piaf. Et je peux pas la chanter, moi. Tu peux pas me donner Serge, les premières notes, là, c'était comment? Attends, les premières notes, là. Un, là. Ah oui, c'est ça, oui. À quoi se sert l'amour? À quoi se sert l'amour? Mais... Ah oui, ça sert à quelque chose. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours, et c'est des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient d'on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Disais-moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir.

Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Et je vais vous dire, je l'ai embrassé le premier parce que Mireille savait ce qu'elle allait faire, mais lui, pas du tout. Et je vous donne ma parole d'honneur que jamais je ne lui avais demandé de chanter. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien si tu disais le texte, etc. Et j'ai senti avec Jean-Claude Rigg, avec tous les musiciens, qu'il n'y avait que deux petits pas à franchir et qu'il allait y aller à fond. Alors là, oui, mais on peut le faire qu'avec des professionnels, c'est normal. Johnny et les années 80. Oh, ah, quel métier fatigant. Le ciel était couleur argent. Je crois qu'il y avait une rivière. Je suis entré dans une forêt. C'était joli, les peupliers. Quelque part, une feuille est tombée. Et Samy m'a secoué parce que je ronflais plus de peupliers. Mercredi, les gosses vont me visiter. Me voilà la santé. Enfin, façon de parler. Parfois, je me joue le coup du tunnel. Ça presse, mais je suis con en Edmond Dantès. Et ma fille de l'air, bas de l'air. Alors je me jette sur des pages blanches, un best-seller de la souffrance, du croustillant de la violence. Je m'en fous d'écrire, sa mise est pâlir, plus cribouiller. Mercredi, on va voir la télé. Ouais, faut avoir la santé. Enfin, façon de parler. Ici, il y a des questions à ne jamais poser. Du genre, Samy, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ici, il y a des parfums à ne pas se rappeler. Samy, si t'avais vu son sourire. Ici, il y a certains mots à ne pas prononcer. Samy, je me ferais bien un café. Samy gentiment m'a réveillé, c'est terminé. Mercredi qui dure 30 années, faut avoir la santé. Enfin, façon de parler.

cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi de me détruire. J'ai besoin de tes mains sur moi. Suivant sera la chanson Joue pas de rock'n'roll pour moi. Et cette chanson est un hit anglo-saxon du groupe Smokey, acteur méritant de la scène dite glam. Don't play your rock'n'roll to me, à la base, est produit par une vieille connaissance de Johnny, puisqu'il s'agit de Mickey Most, le manager des Animals, qui, à ce titre, a contribué à l'élaboration de leur version de The House of the Rising Sun, pénitencier en français. Et de cette chanson très années 50, fondée sur un rythme favori d'Elvis Presley, qui ressemble, voilà, qui est même riff que sur His Latest Flame, Johnny Hallyday fait un standard immédiat et, il faut bien le dire, un chef-d'œuvre. Le texte de Long Chris y est évidemment pour beaucoup, et cette lettre de rupture implacable qui crisse aux oreilles comme un vieux 45 tours usé a souvent été repris en concert par l'artiste. Et quand le rocker en a donné une version unplug, hein, à Bercy en 1995, alors on a bien vu qu'il s'agissait pour lui d'un vrai classique du rock'n'roll comme il les a toujours aimés. Et ce titre fut un énorme succès radio. Et c'est la version live, bien sûr. Je vous parle de Bercy 95. On va écouter ce morceau, Johnny Live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Voici Joue pas de rock'n'roll pour moi, version Bercy 95. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas le rock'n'roll pour moi. Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll pour moi. Oh non, j'ai pas.

chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine quand ça de l'amour. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Johnny et les années 60. Rock'n'roll. I'm so young and you're so old. This, my darling, I have been told. I don't care just what I say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, oh, Diana. Tell me that there is no harder. I love you with all my heart. Oh, oh, oh, oh, only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you're giving all your charms. Hold me, darling, oh, hold me tight. Oh, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay with me, Diana. Oh, oh, please, Diana. Diana, extrait de l'album Johnny Hallyday Sings a Miracle, Rockin' Hits, 1962. On arrive à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. On va parler du titre J'ai pleuré sur ma guitare, autrement dit Lovey Arms, qui est une chanson écrite par Tom Jones et enregistrée pour la première fois par Christopherson et Rita College en tant que duo en 1973. Ce titre a ensuite été repris par Dobie Gray et par Elvis Presley en 1974. Tom Jones a enregistré la chanson lui-même et a publié sa version sur son album éponyme de 1974. La version de la chanson de Dobie Gray culmine au numéro 61 du Billboard Hot 100 pour la semaine du 6 octobre 73 et la version de Christopherson et de Rita College est sortie en single à la fin de 1973 et est devenue un hit majeur du Billboard 100 au printemps 74. Et la chanson apparaît pour la première fois sur leur album en duo de 73, Full Moon. Au total, la chanson a été reprise plus de 50 fois. Parmi les autres reprises notables figure celle de Etta James et des Dickies Chicks, et Johnny l'a reprise en français sous le titre J'ai pleuré sur ma guitare sur son 17e album studio Je t'aime, je t'aime, je t'aime en 1974. C'est justement la version de Chris Christopherson et de Rita College que je vous propose d'écouter. Donc la première version de cette chanson-là, Loving Arms, une belle version, une très belle version. You could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve l'idole en 1996 à l'Aladdin Theater à Las Vegas. Et avec le titre qu'a composé son fils David, chanté pour toi. C'est notre peuple qui saigne. À l'horizon, ce sont nos montagnes, nos rivières, c'est toute la plaine. C'est signé Geronimo. La haine est sur la route que tu cherches devant toi. Qu'enseigne la plaine.

C'est la version originale, ça. Quand je réécoute, je me dis, qu'est-ce que je chantais mal? Comment ça a pu marcher? J'ai appris à chanter depuis. Là, ça doit faire, je pense, ma 181e ou 182e tournée. On finit par apprendre à chanter sur ce album. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Et elle craignait de quitter sa cabine et elle tremblait de monter au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit tiri-tiri-tiri-tiri, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Non, allez. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit itty-bitty-tiny-winny, tout petit petit première fois, un bikini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à tout bas. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Eh ben, oh. Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Et son petit itty-bitty-tiny-winny, tout petit petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Un itty-bitty-tiny-winny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Et si c'est pas drôle, on s'excuse. En tout cas, c'est terminé. It's a petit, petit bikini. Ça, oui, j'ai précisément bien dit, on va dire. Johnny Hallyday en 1960. On arrive maintenant au dernier titre de l'album de la semaine, qui est l'album de la semaine, c'est Derrière l'amour. Voilà, je sais même plus où j'en suis. Sorti le 23 juin 1976. Et je propose d'écouter le dernier extrait. Ça sera Né pour vivre sans amour, qui est avant tout et pour toujours une merveilleuse ballade. Et c'est Michel Mallory qui signe les paroles sur une musique de Johnny. Et quand les deux complices se retrouvent, on voit bien de quoi il parle. L'Amérique, les grosses cylindrées, les routes qui filent vers l'horizon et les poor lonesome cowboys sans femme et sans amis. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour, j'ai peur de ne plus y croire. J'ai le cœur à l'abandon, elle n'y a rien laissé. Je dis je t'aime dans mes chansons, mais je sais que je suis né pour vivre sans amour, pour vivre sans amour, jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vivrai sans amour. Et ces filles qui crient mon nom au milieu des bravos n'aime au fond que mes chansons et n'embrasse que mes photos. Et dans cette guerre d'amour j'étais trop blessé.

qui me plaisait bien. J'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas. Car elle était bien trop différente de moi. N'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Quand je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Et quand j'aurais voulu l'avoir seul avec moi, l'amener des hommes qui troublaient ma joie. Je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Et je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. N'a pas su comprendre pas que j'ai lui quitté. Que je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go. Avec mes amis, m'a semblé changer, elle n'avait plus le chagrin. Croyez bien qu'elle m'avait enfin oublié. S'il en était un, j'ai pu le constater. N'a pas su comprendre pour que je l'ai quitté. Pour que je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Can it be good? Superbe guitare de Jean-Pierre Rolling Azoulay. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission et puis merci encore pour votre présence chaque semaine à l'antenne de Érigé dans l'émission Johnny de A à Z. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Attention, mois du juin, dernier mois de la saison. Eh ouais, on va en profiter, plein de thèmes. Bon, on va voir ça, on va voir ça. Bonne nuit à toutes et à tous. À très bientôt. Bisous les filles, poignée au gars. À bientôt, ciao, ciao. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.